Moi, on va parler un peu du multiconcessionnaire de Beaubassin, multiconcessionnaire qui mène 2-0 dans la série contre la formation de la Haute-Côte-Nord. Et avec moi, j'ai l'attaquant Cédric Minier. Salut Cédric. Oui, salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien. Cédric, d'abord, blessé? Oui, je suis blessé pour probablement pour la fin de cette série-là. Possiblement un retour pour la prochaine série s'il y a lieu. C'est-tu passé durant un match de hockey? Ben? Non, c'est une vieille blessure que je traîne là, depuis Noël qui s'est comme détériorée. Là. Puis là, j'ai été obligé de mettre la switch à off un peu là, pour penser à moi. Là, okay. Guérir ça comme il faut. Cédric, 2-0 dans la série, comment tu vois ça? Je trouve qu'on se débrouille quand même bien là, jusqu'à date. Moi, j'ai pas participé à ces deux matchs-là, mais j'ai vu les matchs là, à partir des estrades. Puis, je te dirais bien, le groupe de joueurs qu'on est, on a vraiment tissé des liens, là, puis on a vraiment développé un style de jeu là, qui nous avantage énormément, là, justement, face à la Côte-Nord, là, justement, cette équipe-là qui s'est adaptée un peu à nous durant la saison. Mais que là, je pourrais dire qu'on a en grande majorité dominé le match, là, dominé les deux matchs. Okay. Es-tu axé sur la vitesse? Votre équipe, c'est vraiment axé sur la vitesse. Hein? Oui, la vitesse, puis beaucoup sur le système de jeu que notre personnel d'entraîneur nous a imposé. Puis surtout sur le travail d'équipe, puis vraiment le travail aussi, parce que pour te tenir au fait, dans notre équipe, il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont fait des camps d'entraînement de la Ligue nationale ou joué junior majeur. Ou c'est pas mal tous des petits garçons qui ont évolué au hockey mineur. Puis au fil en aiguille, on a fait notre midget 2B junior. Puis par la suite, ben on était dans les tournois amateurs pour ceux qui ont mon âge. Là. Mais pour ce qui est du travail, puis de l'équipe, puis de l'organisation, puis du personnel d'entraîneur, je pense qu'ils font un excellent boulot. Oh. Jusqu'à date, ça a vraiment des belles répercussions. Là. Justement, on peut remarquer ça. On va en parler tout à l'heure, mais je veux te parler de la Haute-Côte-Nord. Un match en fin de semaine, c'est l'objectif, c'est gagner un match là-bas? C'est sûr que finir ça en 4, ça serait vraiment avantageux pour nous. Là. Justement pour éviter les blessures, puis reposer les gars. Veux pas une saison de 20 matchs, ça occasionne des blessures, ça occasionne des gars qui sont un petit peu... on se fait brosser la face aussi un peu, ouais. Là, on s'entend. Là. Ça fait que moins on joue de match, moins les blessures, moins de possibilités de blessures. OK. C'est l'an 1 cette année, comment t'as trouvé ça? Tu peux-tu répéter? C'était l'an 1 cette année de la Ligue, de l'équipe. Comment tu as trouvé ça, l'expérience en fait du Seigneur? Très belle expérience. Je te dirais bien que côté organisation de chaque équipe, puis de l'organisation de la Ligue en général, il y a eu beaucoup d'ajustements qui se sont faits. Du premier match à aller jusqu'au dernier match. Moi, qu'est-ce que j'aime, c'est la transparence dans tout ça, là, avec le personnel de la Ligue et tout. C'était l'an 1, hein? c'était rodage aussi. Là. Exactement, là, c'est ça. Là, c'est sûr que c'est comme une entreprise, hein? Une entreprise qui débute ses fonctions, ben faut s'ajuster, puis il faut travailler tous ensemble, faut être ensemble, faut travailler dans le même sens, puis il faut s'ajuster, puis faut comprendre les ajustements aussi. Là, ouais. C'est en gros bien large, ça a été une très belle année. Puis je souhaite que ça continue, puis que ça continue pour le mieux, puis pour le bien de la municipalité aussi. Ben je pense que ça l'amène. C'est 500 personnes par match. C'est ça, ça l'amène une belle activité là, pour les gens de la place. Là. En même temps, ça fait une belle visibilité pour les joueurs, possiblement s'ils veulent. Continuer une belle carrière après le junior, parce qu'ici, on était quand même un petit peu désavantagé par rapport à ça. Là, après le junior, ben là, on tombait dans les ligues amateurs, les tournois autour de la région. Puis, T'as quel âge présentement? Moi, j'ai 39 ans. 39 ans, ça veut dire que t'achèves. Est-ce que tu veux faire tu veux jouer l'an prochain encore? Si mon body me le permet, si le côté familial aussi me le permet, là, c'est sûr que moi j'ai deux enfants, là, j'ai une petite fille là, qui vient de naître, là, ma petite fille a eu trois mois. J'ai un petit bonhomme de 2 ans, là, c'est sûr que c'est difficile là, de rejoindre les deux bouts, là, hockey versus famille, les blessures à travers tout ça. Côté 39 ans, c'est la vitesse... Comment tu trouves ça? C'est-tu dur? Pour ce qui est de la vitesse de la ligue, c'est sûr qu'à 39 ans, tu sais, faut que je mette des efforts un petit peu à l'extérieur de la glace. Là. Je ne peux pas me permettre de me laisser aller trop, puis de pas m'activer là, en dehors de la glace, là, faire un petit peu de cardio ou vice-versa. Là. Essayer de maintenir quand même une bonne shape, là, parce qu'on se le cachera pas, là, en gros en large, la moyenne des joueurs dans cette ligue-là est autour de 25 ans. Là, puis même encore, chez certaines équipes, là, on pourrait même descendre là, l'âge. Là, fait que ça va vite pareil. Là. Ça commence à aller vite. Là. Oui, le calibre de jeu est quand même assez élevé. Là. OK. Ben Cédric, on va te souhaiter un bon rétablissement de ta blessure puis peut-être être là pour la finale. Oui, j'espère. Puis en tout cas, continue ton bon travail, Danny. Puis, merci beaucoup. Merci, bye-bye. Voilà l'attaquant du multiconcellant, Cédric Meunier. Ben oui.